Et donc la foule évidemment s'écrase dans la salle d'audience parce que tout le monde va assister au procès. Et Maurice qui est là, qui perd pas le nord, il est là et il gueule dans la salle « Demandez le pogrom, demandez le pogrom !» Et comment savoir si votre sperme est assez concentré ? Oh là là, oh là là. Demandez à votre femme si elle est obligée de mâcher avant d'avaler. Oh non ! Oh non, c'est pas possible, oh, mais c'est pas vrai. Non mais je rêve. Mais c'est pour ça qu'il faut bien malaxer les coucougnettes, mesdames, pour éviter les grumeaux. Alors monsieur et madame Lévy partent en vacances dans les Caraïbes où ils ont un superbe yacht de 35 mètres. Dans les Caraïbes ? Les Caraïbes. Et alors, il faut une promenade en mer et madame Lévy tombe dans la mer et disparaît. Monsieur Lévy est désespéré, les recherches sont abandonnées, il est obligé de revenir tout seul en Israël. 3 mois se passent, un beau matin, il reçoit un télégramme. Avons retrouvé le corps de votre chère épouse. Stop. Couvert de crustacés. Stop. Attendons instruction. Et Lévy répond, vendez les crustacés et réappâtez. Ah oui. Alors mon petit GG, t'as une petite blague pour la route ou pas? Ouais, mais light, question, hein. Oui. Que devient un lépreux dans une baignoire? Oh là là là là. De l'aspro effervescent.